l'amour. C'est une vie de métier qu'il mène avec splendeur. C'est une vie de métier dont le produit fait presque peur. C'est une vie bizarre tant qu'on n'est pas obligé par Dieu et Jules César sans ne pas patauger. Si tous les parents du monde pouvaient se donner la main, ils feraient une ronde avec leurs enfants humains. Si tous les parents du monde n'étaient plus dans le besoin, n'acceptons plus qu'on les gronde. Suivrez leur dessin, ça sent le roussi tout le temps, dans les médias, la télé, aux infos c'est suspect, dans l'attente de la vérité de printemps, ils construisent leurs doutes et observent le respect, font faillite coûte que coûte, en surface la banqueroute. Si tous les parents du monde pouvaient se donner la main, on verrait sur les ondes, les gens qui ne parlent pas pour rien, comme nos paroles rarement rondes, l'argent des gars est un lien. Que les mots du monde fassent un peu moins radin. Si tous les parents du monde pouvaient se donner la main, ils feraient une ronde avec leurs enfants humains. Si tous les parents du monde n'étaient plus dans le besoin, n'acceptant plus qu'on les gronde, ils suivraient mieux leur dessein. Si tous les parents du monde pouvaient se donner la main, on verrait sur les ondes les gens qui parlent pas pour rien, comme nos paroles rarement rondes. L'argent des gars est un lien, pourvu que les mots du monde fassent un peu moins radin.